Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour une nouvelle étape des Infinite Wars 2016 qui va rejoindre Deadpool et le Docteur en finale. 6 personnages s'affronteront aujourd'hui. Je suis Mathieu et vous allez écouter le round 3 des Infinite Wars 2016. Avec moi pour ce troisième round, Léo, salut. Maléo, Arnaud, salut, et Clément. Salut. Premier événement, Irish a jeté l'éponge. Fragile. Ne terminera donc pas les Infinite Wars, laissant ainsi orphelin des personnages truculents. Donc ces personnages sont orphelins, ils ne combattront pas. Donc pour le round d'aujourd'hui, était prévu Bobby Morse et Léo Fitz pour Irish, qui ne combattront donc pas. Pour une fois qu'il avait des personnages potables. C'est clair. Il les a piqués ceux-là. Oui, c'était pas ses idées. C'est pas possible autrement. Léo, tu auras aujourd'hui deux personnages. Mera, qui commencera la partie avec 12 points, et Aquaman, qui commencera la partie avec 15 points. Donc tu as donc un couple. Je demande à qui tu les as pris. Quant à moi, j'aurai également deux personnages, Elektra qui commencera la partie avec 13 points et Iron Fist qui commencera avec 16 points. Et oui, c'est moi qui est Iron Fist, qui est Iron Fist, ce n'est pas Clément. Clément, lui, il aura droit à Chip, le petit écureuil Green Lantern, qui commencera le round avec 14 points, et il commencera le round avec 14 points, et c'est Arnaud qui le représente, c'est Iceman. Bah non, il en a 15. Oui, 15 points, ouais, bah c'est ce que je croyais avoir dit. Allez, on va commencer. Irish ne jouant pas, c'est donc le personnage de Léo, Mera, qui joue en premier. On rappelle la règle, pour faire un tour de jeu, un lancer de dés qui nous permet soit de soigner, soit d'attaquer un autre personnage. Les dés sont de plus en plus forts au fur et à mesure que le niveau du personnage augmente, et pour augmenter son personnage de niveau, il faut tout simplement tuer quelqu'un. Voilà, allez Léo, c'est à toi. On peut pas taper les personnages d'Irish, du coup. Ah non, ils sont morts, comme tu le vois sur le tableau. Très bien. Dans ce cas, alors en tant que Mera, je vais taper Elektra. Et tu le tapes d'un point. Yes. Quant à ton événement, puisqu'il y a un événement, on le rappelle, qui est lié à chaque tour de jeu, c'est l'événement numéro 42, qui est donc rétro-continuité. Les trois derniers coups sont annulés. Bon, bah donc du coup, juste... Donc tu as attaqué pour rien. Bravo. C'est à Elektra de jouer, et Elektra, elle, eh ben écoute, elle va faire un crépage de chignon avec Mera. Tu me tires les cheveux, je te tire les cheveux, et c'est 5 points qui partent en fumée pour Mera. On continue avec Iceman. T'as pas fait l'événement. Ah, l'événement, excusez-moi, événement numéro 79. Je vais vite le voir dans la liste. 79, 9, ça aide. Il ne se passe rien. Merci Clément pour ton intervention. On continue. Arnaud, avec Iceman. C'est bon. Oui, mais faut que tu me dises qui tu attaques. Ah, Ou qui tu soignes. Iron Fist. Iron Fist qui perd donc un point. Quant à ton événement, c'est l'événement 21 et tu marques donc un point de plus. Chip. Je vais attaquer Mera. D'accord. Mera tranquille. Et comme de coutume avec Clément, non, tu fais pas 0, tu fais 2. Mera qui est donc déjà à 5 points, la pauvre victime. Événement numéro 26. Les personnages d'ici gagnent 2 points. Donc Mera reprend 2 points. Et ben ton Chip prend aussi 2 points. Et Aquaman de Léo prend aussi 2 points. Donc Léo vient de voir ces deux personnages gagner 2 points chacun. Léo, c'est à toi avec Aquaman justement. Je vais faire payer à ce sale écureuil. Tu vas lui faire bouffer ses noisettes, c'est ça? Exactement. Et bah, un point pour l'écureuil. Aïe, ça fait mal. Je pense qu'il est allé dans la queue. Quant à l'événement, événement numéro 35, 9 side, il ne se passe rien. Oh, bah, décidément. Oh, mais merde. On commence tranquille. Rappelons-nous, le round précédent avait été très mouvementé avec un reboot complet de la mort. Ah oui, c'est non, mais ce reboot de la mort. Et attention, c'est à Iron Fist de jouer. Et Iron Fist, bah, forcément, il va soutenir Elektra en tant que defender, donc il va attaquer Mera. Mera qui perd 2 points encore. Quant à l'événement, oulala, c'est un événement dans les gros numéros, donc ça me fait toujours peur, c'est le 97. 9 Side, il ne se passe rien. Ça fait vachement peur. Bah, moi, quand je vois des numéros comme 97, oui, ça me fait peur, oui. Oui. Et... le numéro 1, surtout. Allez, petite victime de Mera, c'est à toi. Il te reste 5 points. Je t'en foutrais. Hein, et Moi, je dis ça provoque. Bah, écoute, bah tiens, tu t'en veux, Chip ? On va raconter. Oh putain. Tu l'as voulu. Donc, l'écureuil, attention, va-t-il avoir le feu à la queue ? 2 points. Ah, bah quand même. 2 points de perdu pour Chip. Et l'événement, oulala, événement numéro 13. C'est un truc sur la chance. Lucky Man, la prochaine action sur toi, Mera, ne pourra être qu'un. Oh soir. Non. Oh yes! Voilà. Mera, a priori, est plutôt tranquille pour un petit moment. C'est à Electra d'attaquer. Et ben, Electra, je pense qu'elle va jouer pour l'équipe et elle va faire sur Mera. Comme ça, on est débarrassé. Avec un peu de chance, ça sera un petit chiffre. Attention, suspense. 2. Bon, bah, ça va. Voilà. Mera récupère 2 points parce que c'est un soin. Ça va. L'événement, oh, dommage, 68. 68, Adam West danse le Batouzi et rajoute 3 points à l'action que tu viens de faire. Connard d'Adam West! Attends, 68? Yes. Ah, je me suis trompé dans la liste? Ah oui, c'est même joueur. Ah même... oui, boucle temporelle, même joueur joue encore. Désolé, Mera. Merci. Merci Clément. Et bah, du coup, pour fêter ça, Electra va taper sur Mera. 0. Yes. T'as de la chance. 0, 0, 0. Événement 25. Attention, événement 25. Surveillez que je dise pas de conneries cette fois. Civil War. Pendant un tour complet, les héros n'attaquent que des héros et les vilains des vilains. Sachant qu'il n'y a pas de vilains, on oublie cet événement. L'utilité. C'est à toi, Iceman. Ah, ça va vite ce soir. Ah, du coup, Iceman est aux fraises. Arnaud, donc. Oui, c'est toi, Iceman, Arnaud. Allô? Oui. Oui. Putain, ça buguait. Ah, donc Arnaud, que fais-tu avec Iceman? Pas grand chose. Ah. Je vais déjà jeter mes dés. Ce qui est fait, ça y est. Mera va-t-elle continuer à être la victime? Arnaud? Oui. Oui. Oui, Mera? Oui. Oui, Mera. Mera perd donc 3 points. Et arrive donc à un score incroyable de 4 points de vie. Quant à l'événement d'Arnaud, c'est l'événement numéro 40. Chichi, les 3 prochains joueurs t'attaquent. Oh non, putain. Je voulais attaquer Mera. petit écureuil, vas-y. Bon, bah, faut que j'attaque. T'as pas le choix, c'est forcément Iceman qui va prendre cher. Bon, bah, j'attaque Iceman alors, désolé. Et tu l'attaques avec un violent coup de queue qui fait 4 points. C'est une bif. Oh. 93 pour l'événement. Excelsior, Marvel intouchable par les 3 prochains joueurs. Ah. Mais non. Et oui, ce qui du coup annule l'événement concernant Iceman. C'est pas drôle. On ne peut attaquer que des personnages DC pendant 3 tours. Et ça tombe bien, Mera appartient à l'univers DC. Allez, Aquaman, c'est à toi. Tiens, j'avais une sur ta femme. Est-ce que. Oui, c'est-à-dire que si j'ai tapé. Oula. Oula, oula, oula. Vas-y, refais-la parce qu'on n'a pas entendu. On n'entend rien. Si Aquaman tue Mera, il passe niveau 2, oui, ça peut être stratégique. Si tu nous entends, Léo, tu peux nous donner les instructions par écrit dans le chat à côté de la conversation. Enfin, de la. Voilà, on s'est compris. Parce que là, visiblement, à l'audio, ça va être complexe. Ah, il attaque Chip, donc lance tes dés. Mais quoi, va crever, c'est ça? Allez, il faut lancer ton dé maintenant, Léo. Ah, c'est fait, et il attaque avec 3 points. Aïe. Moins 3 pour Chip. Événement numéro 91. Oh, attention, putain. 91. Pouvoir de la licorne, un arc-en-ciel te protège. Les 3 prochaines attaques contre toi, sont baissées à 1 point, Aquaman. Et c'est à Iron Fist de taper. Et Iron Fist, il va taper sur la gueule de Mera, évidemment. Attention. 3. Mera est donc à 1 point de vie. Autrement dit, le prochain qui le tape, à moins de faire 0, devrait pouvoir la tuer. Quant à l'événement, c'est l'événement 22. Oh, boucle temporelle, même joueur joue encore. Oh, le mouleux. Donc, eh ben, je vais retaper sur Mera. Et cette fois, on s'en débarrasse. Et là, 0. 4. Non, c'est bon. Mera est la première victime de ce soir. Iron Fist passe donc au niveau 2 et passe donc à 32 points de vie, le double de ce qu'il avait au départ. Quant à Mera, nous prierons bien pour elle. Allez, et ben c'est à Electra du coup de jouer. Donc Electra, ben c'est moi. Et Electra, contre qui elle va bien pouvoir taper maintenant? Allez, un petit écureuil. Mais non. Mais pourquoi moi? Bon, parce que il a une trop grosse queue. Un écureuil, ça sert à rien. Allez, et c'est moins. Ça bouffe les noisettes, les écureuils. Qui fait 9. Ah, attention, l'événement. Événement 52, ça fait toujours peur parce que 52, eh oui, New 52, oh oui, interdiction d'attaquer DC pour les 3 prochains joueurs. Oh putain. On ne peut donc attaquer que des personnages Marvel, c'est-à-dire Elektra, Iceman ou Iron Fist. Aquaman, c'est à toi, si tu es parmi nous. Iceman plutôt. Oui, Iceman. Iceman, excuse-moi. Elektra, hein, pas vraiment le choix. Electra, et tu lui fais 3 points. Pas ton événement, c'est l'événement 91. Ouh, non, j'ai peur. Pouvoir de la licorne. Un arc-en-ciel te protège. Les 3 prochaines attaques contre toi sont baissées à 1 point. Ouh, c'est bien. Voilà. Tout comme Aquaman, d'ailleurs. Rappelons-le. C'est à Chip de jouer. Je vais me soigner. Vas-y. C'est pas con. Ah bah, ça valait le coup, zéro. Mais non. Là, je pense qu'il a 2 doigts de pleurer. Événement 42. Rétro-continuité. Ah, les 3 derniers coups sont annulés. Ah, putain. On annule les 0 de soins, on annule les moins 3 sur Electra, et on annule les moins 1 sur Chip. Voilà. C'est parti, et c'est à Aquaman de jouer. Donc Léo, que fais-tu? Il attaque Chip en précisant salope. Et vous êtes tous contre moi. Il va lancer son dé. Comme un grand garçon qu'il est. 0. Oh. Dans ta gueule. Putain, mais c'est pas possible. 0-0, événement 45. J'ai beaucoup de mal. Sex Criminals arrête le temps pour faire une attaque sur un autre personnage, Léo. Chip. Mais non, bah non. Un autre personnage. Ah, un autre. Donc Léo, désigne un autre personnage, s'il te plaît, et relance le dé. Electra. Et le dé, c'est très radiophonique, les consignes par écrit. Et le dé, c'est moins 2 pour Electra, qui du coup commence un petit peu sa descente aux enfers. C'est à Iron Fist de jouer cette fois-ci, et Iron Fist, il aime beaucoup les petits écureuils. Aïe, non, mais ça va faire trop mal. 0. Allez. Oh. C'était un point dans le vent. Alors, événement 21, un point de plus pour Iron Fist, qui en avait bien besoin. Il est donc à 33. C'est à Electra de jouer, et Electra, elle a pas de personnalité, elle fait comme Iron Fist. Mais non, mais... Vous êtes vraiment des salauds. Moins 3, il fait 7, événement numéro... Oh putain, 43, alors 43, je dis putain parce que j'ai du mal à descendre dans la liste. Bah non, boucle mais temporelle, non. Même joueur joue encore. C'est pas possible, hein, mon jeu. Ah, alors que j'entends Léo qui se plaint, Aquaman va donc être victime d'Electra. Et prendre 5 points dans la face. Oh putain. Événement du coup 67, puisque c'était un nouveau tour de jeu. Oh, mais c'est pas vrai. 67. Sidekick, choisis un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Chip. Connard. C'est à Iceman de jouer. Bah, Electra, on va rester avec la maison. Non, Chip, je veux dire. Ah, bon. Mais vous êtes passé le mot. Il va suivre sa copine de la maison Marvel, Electra, et attaquer Chip, c'est ça que je voulais dire. Exactement, exactement. 3. Vous êtes des salauds. Et donc, passer à 4 points de vie. Aquaman va-t-il suivre la mode? Et essayer Aquaman de faire un petit manteau. Oui, c'est à... Ah non, c'est à Chip, j'avais même dit. Je l'aime tellement. Ouais, enfin... Donc Chip, il va soigner Electra, du coup. Putain, vas-y, mec. Lance ton dé pour soigner Electra. Attention. Suspense. 1. FDP, donc, là, merci. 24 pour l'événement. Ah, je suis descendu trop bas. Relaunch, le personnage repart au score qu'il avait au début du round. Donc, c'est le personnage de qui a joué, c'est Chip. Donc, ouais, Chip ouais. Repart à 14 points. Belle opération. Belle opération pour Chip. Du coup, Aquaman va attaquer Chip. Mais à Léo de le confirmer. Il me le confirme et il va donc lancer son dé. mais vous avez quoi là, les Aquaman, c'est pas toi. Mais c'est Léo. Mais il vient de me confirmer qu'il a attaqué Chip. C'est vrai qu'il parle plus. Et vas-y Léo. Allez Léo. Ah oh, bah 3 points. Attention, c'est Iron Fist de jouer. On rappelle qu'Iron Fist... Événement. Ah oui, événement, excuse-moi. Événement 85, mon année de naissance, ça va être un bel événement. Back to the future, ton action est annulée. Recommence ton tour. C'est un signe. J'avais oublié mon événement l'autre fois, en plus. Donc, relance ton dé, Léo. Plutôt que de taper Chip, je vais taper Electra. D'accord. Puisqu'on m'entend en plus maintenant. Et il va taper Electra avec 2. Du coup, attends, 54. 9 save. Ouais. Merci, 9 save. Du coup, Léo, t'as oublié que j'avais Iron Fist de niveau 2 et que c'est derrière, c'était Electra qui jouait. Donc je pense qu'Aquaman va prendre cher, puisqu'il a osé toucher Electra. Donc Iron Fist tape évidemment Aquaman. Et alors, un dé de niveau 2, forcément, ça fait mal, ça fait 7 points. Ouf. Ça fait 7 points. Quant à l'événement, c'est le numéro 15. Iron Fist fiste un personnage et arrache-lui un point. Ce qui va bien avec mon personnage, et bien du coup, c'est à Aquaman que je le fais. Et Mera va jouer. Mais non, Mera est morte. Donc, Electra va jouer. Et Electra va, je pense, finir Aquaman. Il faudrait qu'elle fasse 4, 5 ou 6. Attention. F comme fuck. 1. Quant à l'événement... What the heck? Événement 50. C'est pas très bon, les événements avec des chiffres ronds comme ça. Level up! Mais c'est pas possible. Mais t'es un mouleux! C'est la soirée. Tu triches, hein. C'est la soirée de la grosse moulasse. Mais allez, c'est à Iceman de jouer. Alors, il y a qui en jeu? Electra 26, on va éviter. Ouais, vous. Chip, je sais pas pourquoi, mais il a de l'âge. Aquaman n'a plus que 3 points, attention. Mais tais-toi! Ce serait con de regretter. Bah, ça serait bien de tuer Aquaman, surtout. Allez, vas-y. Aquaman ? Ouais. Moins 1. Événement 36. Ant-Man, change de taille et esquive la prochaine attaque de ton choix. Ouh. Donc, rappelle-toi, tu pourras esquiver une attaque quand tu voudras. C'est à Chip de jouer. Chip qui s'est refait la noisette. Bah, je vais attaquer Aquaman. Et oui, forcément, logique. Mais les mecs, Clément va pas passer niveau 2 quand même. Et Chip a de grosses noisettes. 0. Mais non. Événement 88. Ça sent le Hail Hydra. Super, je crois que c'est rien. Super Sonic Punch. L'attaque que tu viens de faire est augmentée de 3 points, ce qui coûte la vie à Aquaman. Léo vient donc d'être éliminé de ce round 3. Voilà, vous l'entendez crier des abysses. C'est à Chip de passer au niveau 2 cette fois-ci. Et donc, ben, 28 points pour Chip. Donc, pour le moment, Chip est en deuxième position avec 28 points. Iron Fist 34. Alors qu'il était sur le point d'être buté. Alors qu'il était sur le point, ouais, il a quand même vécu le chichi. Rappelons-le. Chichi, tu parles, vous m'avez bien laminé, bande d'enfoirés. Bah. C'est Iron Fist de jouer maintenant qu'Aquaman est décédé malheureusement et a rejoint son épouse. Iron Fist avec son dé de niveau 2 et puis sachant qu'Electra va jouer avec un dé de niveau 2 derrière, en deux coups on pourrait tuer Iceman. Merci. Oh, moins 9. Ça, c'est pas du petit lancé. Ce qui fait un événement 45. Attends, parce que ça peut être annulé encore. 45. Sex Criminals attaque, arrête le temps pour faire une attaque sur un autre personnage. Cet autre personnage étant Chip, évidemment. Et Chip qui va se prendre 4 points. Voilà. Et bah, c'est à Electra de jouer. Elle va achever Iceman. À moins qu'un miracle arrive. Attention. 10 points. Attends l'événement. Attends, petit reboot. Je mets la ligne d'Iceman. Ah bah là, ça serait drôle. Événement où j'aime pas ce chiffre. Numéro 13. Lucky Man, la prochaine action ne pourrait être qu'un soin sur toi. J'avoue que c'est un peu ma soirée. Une chance c'est un peu. J'avais un truc. Ah, tu peux esquiver l'attaque. Mais oui, mais tu l'as pas utilisé. Mais non, il l'utilise. Mais oui, mais il peut pas l'utiliser quand il est mort. Mais non, mais attends, le salaud. Enlève les 10 points là. Léo, tu es d'accord pour cette manœuvre? Bah oui, attends, t'es déjà assez cocu comme ça, alors... Alors, vous êtes majoritaire, nous allons donc activer l'esquive, hop, et tu reviens en blanc. Voilà, et bah du coup c'est à toi. Bah je vais me soigner. Et bah soigne-toi. En espérant un gros chiffre. En espérant un gros chiffre, est-ce que 3 c'est un gros chiffre? Putain. Allez Chip, petit écureuil, un coup de queue sur le glaçon. Sans déconner, un écureuil, les mecs, c'est comme si Apu était... Bah, je vais attaquer Iceman. Bah, ah. Effectivement, moins 10. Et merde. Cette fois, Iceman est bien mort, mais c'est Chip qui va prendre la tête de la compétition, puisqu'il va passer niveau 3. Mais comment? Cette petite ordure de Chip. Et on pourrait bien se trouver avec un Chip... Alors attendez, il faut que je lui remette. C'est quoi l'événement? L'événement, c'est le 29. On va aller voir ça tout de suite. Événement 29, 2 points de plus. Oh là là là là là. Quel... C'est à Chip de jouer. Non, Chip vient de tuer, donc c'est à Iron Fist. Mais t'as pas donné le... Ah, si, je viens de le faire. Il vient de marquer 2 points de plus. On va peut-être pas lui en donner encore. Ah. Allez, Iron Fist va attaquer Chip. Et puis après, Ektra fera pareil, hein, on s'en doute. Hein. Ça va être le travail d'équipe, là. Oh, putain. 2. Événement 67. Est-ce que quelqu'un peut regarder? Sidekick choisit un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Chip. Mais... qui me soignera donc avec un D3, rappelons-le, hein, un D de niveau 3. Oh putain, bâtard. Electra va attaquer Chip. 2. Ah bah décidément. Événement 48. Je les regarde plus, hein, comme vous êtes deux. Un point de plus. Un point de plus pour Electra, du coup. Allez, Chip, soigne donc... c'est qui? Electra, c'est Iron Fist que tu soignes. 13. Oh putain, bâtard. Oh non, mais non. Ah, le dé de niveau 3 va jusqu'à 20, hein, donc forcément, tout de suite. Et c'est quoi le... L'événement 47, excuse-moi. Ah, il a le droit, les héros perdent 3 points. Tous les héros perdent 3 points, bah, c'est-à-dire tout le monde, hein, puisqu'il n'y a pas d'adverse de méchant dans cette partie. C'est Iron Fist. Bah, Iron Fist, on sait qu'il attaque, hein. Il attaque Chip et il lui met 3 points. C'est petit à petit, hein, c'est vraiment pas des grosses attaques à chaque fois. Événement 63. Sauf sur la pauvre victime d'Iceman. Le prochain personnage passe son tour. Eh ben, Electra passe donc son tour. Elle se fait sauter. C'est à moi. Oui. Je vais taper Electra. Electra. Avec un dé de niveau 3, hein, en plus. 15. Ça, c'est une grosse, grosse attaque. Événement 47. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait, celui-là. Ah, il a le droit, les héros perdent 3 points. Moins 3. D'accord. Ouais. Electra s'est pris cher. Ouais. Et donc, Iron Fist va attaquer Electra pour passer au niveau. Oh, mais quel bâtard! Attends, c'est pas fait encore. J'ai qu'une chance sur deux de la tuer. 7. Oh, mais le mouleux. Et Electra est morte de la main d'Iron Fist. C'est vraiment un enculé, cet Iron Fist. Ouais, 16 et 16, 32, hein, 48, donc il faut rajouter 7 points. Et l'événement, c'est l'événement 14. J'aime pas quand... Exterminate, lancer un dé de 6 et frappe 3 personnages. T'es vraiment un enculé, en fait. Hein. C'est un scandale, là. Du coup, je suis obligé de frapper Chip et Iron Fist, puisqu'il n'y a plus que 2 personnages en course. Ça se trouve, donc je vais me faire mal en même temps. C'est un D6, on a dit ? Ouais. Donc moins 6 pour Chip et moins 6 aussi pour Iron Fist. Alors là, maintenant, tout va jouer au dé, un dé de niveau 3, donc ça peut aller très vite. Chip, c'est à toi. Bon, bah, j'attaque. Attends, quoi que. Non, je vais attaquer Iron Fist. Je vois pas qui d'autre tu peux attaquer. Ouais. Mais oui, c'est du couillon. 3. C'est quoi l'event ? Event 46. Iron Fist fixe un personnage et arrache lui 2 points. Et bien, tu vas arracher un point de l'anus d'Iron Fist, ce qui... Non, c'est pas 2 points. Moins 1. Hop là. Bah non, t'as dit 1 point. Arrache lui 2 points. Non, arrache lui 2 points. Ah, c'est 2 points, d'accord. C'est vrai qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs événements Iron Fist, donc... c'est à moi. Et bien, écoute, hein, je pense que je vais attaquer Chip. Hein. 3. Ça peut être très long si c'est juste par 3. C'est que des 3, ça peut être très long, oui. Événement 29. 2 points de plus. Allez, vas-y, Chip. Bah, je vais attaquer, hein. Du coup, moins 10. Moins 10, ça fait mal. Événement 91, s'il vous plaît. Oh non, j'aime pas celui-là. Ah bah, je sais pas. Pouvoir de la licorne. Ouais, un arc-à-ciel te protège, les 3 prochaines attaques contre toi sont baissées à 1 point. Oh putain. Va te protéger un temps contre Mathieu, ça pourrait être décisif, hein, fais gaffe. Donc, bah, vas-y, tu peux m'attaquer 3 fois, tu sais que ça fera 1 point. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est toi. Mais non, oui. Non, non, Mathieu, faut pas déconner. Non. Ah, c'est toi la pute. Je croyais que c'était moi qui venais d'attaquer. Non, c'est toi la pute. Oh là là. Bon, bah, je t'attaque, mais je sais que, voilà, forcément, ça fera un point. Hein, donc, bah, moins un, quoi. Ça peut être décisif. Non, c'est pas... Mais après, faut la... T'es sûr que c'est pas abaissé d'un point ? Non, abaissé à un point. Oui. Ah, mais il faut que tu lances le dé quand même pour l'événement. Oui, oui, oui, l'événement 84. Ah. Les personnages d'ici perdent 2 points. Ah, bah, c'est cheap. Ouch. Bon, bah, moi. Ça sent très mauvais pour Iron Fist, cette histoire. Ce qui est le comble pour un Iron Fist. 3, bah, ça va. Beaucoup de 3 au dé de niveau 3. Événement numéro 20. Les chiffres ronds, j'aime pas du tout. Not said. Ça va alors. J'attaque donc éventuellement Chip pour la forme. Je sais que ça lui fera moins 1. Voilà. Événement 62. Un point de plus. C'est peut-être le point qui va me sauver. Allez, vas-y. Bon, bah, je t'attaque. 5. Oh, mais putain. Événement 71. Ah, c'est mon département de naissance. Ça va être beau, ça. 9 said. Dernière bon, Léo, on y va, on revient dans une heure, ils ont peut-être fini. C'est ça, hein. Dernière attaque à 1 point contre Chip, du coup. Événement. Aïe, j'aime pas ce chiffre non plus. 25. C'est un quart de 100. J'aime pas trop. Civil War. Civil War. Oui, donc on s'en fout. Allez, Iron Fist, Chip, c'est à toi. Et alors là, ça va être dur. Là. Ça va être tendu du cul. Eh ben encore 5, bah décidément. J'ai non. l'impression qu'on n'a jamais le dé. Événement 30. Comic-Con Paris, tu as perdu ton temps et 2 points. C'est con ça, hein, Chip. Et on se retrouve à l'égalité 17-17. Attaque contre Chip. Pff, de 8 points, c'est pas non plus... Ouais, quand même. De 8 points. Événement 55. J'aime pas non plus les doubles chiffres. En fait, j'aime point pas. Un point en moins. De toute façon, à partir de maintenant, tout peut jouer sur un seul dé, hein, parce qu'on va jusqu'à 20. C'est parti. Bon, bah, je t'attaque. J'ai peur. 13. Oh putain. Oh la raclure. Putain. Oh, c'est chaud. L'écureuil va passer. Événement 47. C'est la nouvelle bad call de l'année dernière. Ah, il a le droit, les zéros perdent 3 points. Oh, ça tue Iron Fist, mon dieu. C'est pas pas possible. Ah, oh, c'est scandale. Oh là là, cool. L'événement de merde. L'événement de merde. C'est bien. Et c'est donc, gueule, va. C'est donc Chip qui sort vainqueur de ce troisième round avec une chance incroyable. Ouais, tu peux parler, va. Non, mais c'est trop beau, quoi. J'ai quand même une chance de cocu toute la partie. Et c'est ce putain d'écureuil de merde qui, rappelez-vous, n'avait plus que 3 points tout à l'heure. Ouais. C'est trop beau. Bah, c'est comme la dernière fois avec le reboot. Hein. La dernière c'est fois, c'était même à cause de sa faute, je crois, le reboot. C'est la faute de qui? De Clément? De Clément, il me semble. Bah oui, non, mais toujours. Mais attention, c'est trop beau, attends. C'est lui qui pourrit tout. Donc, je mets tout de suite Chip au programme de la finale. Avec un niveau 4, du coup. Hein, ce qui en fera tout de même le personnage le plus faible de la finale pour le moment. Tiens, puisque le dixième docteur de Léo est au niveau 5 avec 55 points et Deadpool était au niveau 6 puisque rappelez-vous il avait fait un vrai carnage la semaine dernière. Il aura donc 96 points. Oh la vache. Voilà. Et Chip 42 puisque niveau 4. Ah non, on a niveau 4, attends, niveau 4, 4 x 14, 56, excusez-moi. Non mais comment il avait fait 96 points juste Deadpool? Parce qu'il est de niveau 16 et il avait un niveau 6 à la fin de la partie. Il avait tué presque tout le monde. Ah oui. C'est un carnage. C'est beau quand même parce que là il y a eu un gros retournement de situation. Voilà, donc un écureuil en finale après la batco de l'année dernière. Voilà, toujours ce côté animal. Ça fera plaisir à vous savez qui. N'est-ce pas? J'étais à deux doigts de mourir en plus. C'est ça. Mais t'inquiète pas, les deux doigts reviendront. Voilà, et ils feront mal. Là. Merci Mathieu, vraiment, merci. Voilà. Je savais que cette intervention allait vous faire plaisir. Allez, on se retrouve très vite pour la round 4 avec au programme Peggy Carter, Mogo, Emma Frost, Gertrude, le Martian Manhunter et Chuck Norris. À très vite. Salut. Salut.